Cette nuit, j'ai sorti mon zizi, je l'ai mis sur ta tête. Je l'essuie quand je jouis. Tu subis cette cacophobie qui salit ma quéquette. Tu me dis ralentis. Je revis dans ton anatomie pour que tu